الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre مختصر فقه الأسماء الحسنى du Cheikh عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى. La semaine dernière on avait expliqué les noms d'Allah: Allah, الرب، الرحمن، الرحيم. ثم قال المؤلف حفظه الله: الحي القيوم. Puis le Cheikh explique les deux noms d'Allah: الحي القيوم، le tout vivant, celui qui se subsiste par lui-même. وهما اسمان وردا في القرآن مقترنين في ثلاثة مواضع. أولها في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثاني في أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثالث في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. الحي القيوم qui sont deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, deux noms sublimes qui ont été rapportés dans le Coran, les deux cités l'un à la suite de l'autre dans trois endroits du Coran. Le premier endroit est le verset du repose-pied, Ayatul Kursi, où Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, Allah, nul ne mérite d'être adoré que lui, le tout vivant, celui qui subsiste par lui-même. Le deuxième verset est le premier verset de Sourate Ali Imran. والله عز وجل دي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui le tout vivant celui qui se subsiste par lui-même. Et le troisième verset est dans sourate Taha, dans lequel Allah عز وجل dit: tous les visages s'humilieront devant le tout vivant et celui qui se subsiste par lui-même. واسمه تبارك وتعالى الحي فيه إثبات الحياة صفة لله وهي حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال وفناء ولا يعتريها نقص وعيب جل ربنا وتقدس عن ذلك واسمه القيوم فيه إثبات القيومية صفة له وهي كونه سبحانه قائما بنفسه مقيما لخلقه. Et le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Hayy, il y a dans ce nom l'attestation de la vie comme attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la vie d'Allah est une vie qui est complète, qui n'a pas été précédée de néant et qui ne sera pas suivie par une disparition. C'est une vie qui ne peut être atteinte par un manque ou un défaut, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit exempt de tout cela. Et son nom Al-Qayyum, il y a dans ce nom l'attestation du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala se subsiste à lui-même, qui est le fait qu'Allah azza wa jal se suffit à lui-même et que ses créatures ont besoin de lui. وهذان الاسمان الحي القيوم هما الجامعان لمعاني الأسماء الحسنى إذ جميع صفات الباري سبحانه راجعة إلى هذين الاسمين فالصفات الذاتية كالسمع والبصر واليد والعلم ونحوها راجعة إلى اسمه الحي وصفات الله الفعلية كالخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة ونحوها راجعة إلى اسمه القيوم ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. Et ces deux noms, Al-Hayy Al-Qayyum, sont les deux noms qui rassemblent l'ensemble des sens des noms sublimes d'Allah Azza wa Jal. Car l'ensemble des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala reviennent à ces deux noms. L'ensemble des attributs et des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala reviennent à ces deux noms. Il y a al-sifat al-dhatiyah. Il y a les attributs dont Allah Azza wa Jal est doté, comme l'ouïe, la vue, la main, la science et autres. As-sifat al-dhatiyya, ce sont les attributs dont est doté l'essence d'Allah. Al-dhat qui est l'essence. Les attributs dont est doté l'essence d'Allah, comme la vue, l'ouïe, la main, la science et autres, reviennent au nom d'Allah, Al-Hayy, le tout vivant. Wasifatullah al-fi'liyah. Et les attributs d'Allah, al-fi'liyah, qui sont des actes, car les attributs d'Allah sont de deux sortes. Il y a les attributs dont Allah est doté, dont son essence est dotée, et il y a les attributs qui sont caractérisés par des actes qu'Allah Azza wa Jal fait, comme la création, la pourvoyance, le fait de combler de bienfaits, de donner la vie, de donner la mort et autres. Et ceci, ces attributs d'Allah Azza wa Jal qui caractérisent ces actes, reviennent au nom Al-Qayyum, celui qui se subsiste à lui-même. C'est pour cela que certains savants sont de l'avis que ces deux noms Al-Hayy Al-Qayyum sont le nom immense d'Allah, qui, lorsqu'il est invoqué par celui-ci, il exauce, et lorsqu'on lui demande par ce nom, il donne. On avait vu lors du cours dernier qu'il y a une divergence des savants sur Ismullah al-A'zam, quel est-il? Et donc certains savants considèrent que c'est Al-Hayy al-Qayyum, et l'on verra par la suite qu'il y a d'autres noms qui sont considérés par les savants comme Ismullah al-A'zam. Thumma qala al-mu'allif al-Khaliq al-Khallaq. Puis l'auteur, Hafidhahullah, Cheikh Abdurrazzaq al-Abbad, explique les noms d'Allah, le Créateur, le Grand Créateur. وقد ورد اسم الله الخالق في القرآن الكريم في عدة مواضع منها قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور وورد بصيغة المبالغة الخلاق في موضعين من القرآن في قوله تعالى إن ربك هو الخلاق العليم وقوله بلى هو بلى وهو الخلاق العليم. Et ce nom d'Allah, le Créateur, Al-Khaliq, a été cité dans divers endroits du Coran. Parmi ces endroits, la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est lui Allah, le grand Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. De même que ce nom, Al-Khaliq, a été cité dans sa forme qui appuie ce sens. بصيغه المبالغه الخلاق. Celui qui crée beaucoup, le grand créateur. Et Al-Khalaq a été cité dans deux endroits du Coran, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, ton Seigneur est le grand créateur, celui qui a la science de toutes choses, et la parole d'Allah Azza wa Jal, bien au contraire, c'est lui le créateur, le grand créateur, l'omniscient. والخلق يراد به امران احدهما ايجاد الشيء وابداعه على غير مثال سابق ومنه قوله تعالى اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون والثاني بمعنى التقدير وهو قوله خلق ومنه قولهم خلق الأديم أي قدره ومنه قوله تعالى وتخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه فالخلق في نعوت الآدميين معناه التقدير، وأما الخلق الذي هو إبداع الشيء وإيجاده على غير مثال سابق فمتفرد به رب العالمين، كما قال تعالى: هل من خالق غير الله؟ وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الخلق en voulant dire deux choses. La première des choses, c'est créer une chose, innover une chose qui n'a pas d'exemple précédent, qui n'a pas de semblable. Innover une chose qui n'a pas de semblable. Et ce qui prouve ce sens, la parole d'Allah Azza wa Jal, ne voit-il donc pas que parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires. Donc Allah Azza wa Jal a créé pour nous des bestiaux qui auparavant étaient néants. Et Allah Azza wa Jal les a créés. Du néant, Allah Azza wa Jal a créé les bestiaux. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal a créé les bestiaux, rien auparavant ne ressemblait à cela. Et le deuxième sens qui est donné à l'khalq, c'est le dosage ou le fait de donner la juste proportion. D'où la parole des Arabes, khalaq al-adim. Il a créé la peau tannée. Il a créé la peau tannée. Qu'est-ce que ça veut dire, il a créé la peau tannée? Est-ce que la peau était néant et ensuite il a fait que la peau existe? Ou est-ce qu'il a travaillé, il a préparé cette peau afin qu'au final elle soit tannée? Lequel des deux sens? Le deuxième. Or, c'est le terme khalaqa qui a été utilisé. Pour cela que, lorsque l'on dit par exemple une personne a créé une voiture, c'est dans le deuxième sens. En réalité, il n'a pas créé la voiture. Il a utilisé des matières premières, il a fait passer ces matières premières dans un processus particulier et au final c'est devenu une voiture. Mais cette matière première, qui l'a créée? Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce qu'un être humain est capable de créer une voiture du néant? C'est un pouvoir dont seul Allah subhanahu wa ta'ala est le possesseur. Et ce qui prouve également ce deuxième sens de khalaqa, wa takhluquna ifka. Et vous forgez un mensonge. Quand Allah azza wa jalla dit, innama ta'buduna min dunillahi awthana. Vous adorez en dehors d'Allah des statues et vous forgez des mensonges et vous créez des mensonges. C'est-à-dire que vous les préparez et vous les décrétez. Pareil, un mensonge, une personne ne le crée pas. Car un mensonge, ce sont la plupart du temps des paroles. Et les paroles, qui les crée? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, al-khalq, dans l'utilisation des êtres humains, signifie le fait de donner une juste proportion, de préparer. Quant à la création, dans le sens d'innover une chose et de faire en sorte qu'une chose existe et qu'elle n'ait pas été précédée auparavant, ceci est propre au Seigneur des mondes. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, y a-t-il un créateur autre qu'Allah? Et comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans l'autre verset, voici la création d'Allah. Montrez-moi ce que ont créé Montrez-moi ce qu'autre que lui ont créé. Bel al-zalimun fi dalalin mubin. Mais les injustes sont dans un égarement manifeste. Wa khalqu Allah li hadhihi al-makhluqat lam yakun lahwan wa la abatha. Tanazzaha ar-Rabb wa taqaddasa 'an dhalik. بل خلقهم ليعبدوه ويوحدوه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Et la création d'Allah, le fait qu'Allah Azza wa Jal ait créé ces créatures, Allah Azza wa Jal ne l'a pas fait par amusement et en vain. Qu'Allah Azza wa Jal soit exempté de tout cela. Il les a bel et bien créés pour qu'il l'adore et pour qu'il lui voue un culte exclusif. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vers nous vous ne reviendrez pas? Qu'Allah soit exalté, le roi. Nul ne mérite d'être adoré que lui. Le Seigneur du trône sublime. ثم قال الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله الخالق البارئ المصور. Puis le Cheikh حفظه الله explique les trois noms divins sublimes d'Allah Azza wa Jal, le Créateur, Al-Khaliq, Al-Bari, celui qui donne un commencement à toute chose, Al-Musawwir, le formateur. وقد جمع الله هذه الأسماء الثلاثة في قوله سبحانه هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى أي هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات وبرأ بحكمته جميع البريات وصور بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لها وقدر خلقها أحسن تقدير وصنعها أتقن صنع وهداها لمصالحها وأعطى كل شيء خلقه اللائق به ثم هدى كل مخلوق لما هيئ وخلق له. Ces trois noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Khaliq, al-Bari, al-Musawwir, ont été réunis dans la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est lui Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur, à lui les noms les plus beaux. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui a créé l'ensemble des créatures. C'est lui qui, par sa sagesse, a fait en sorte que toute chose est un commencement. Et c'est lui qui a formé par sa sagesse l'ensemble des choses existantes. Allah Azza wa Jal a créé ces choses. Il a fait en sorte qu'elles soient existantes. Et il les a créées dans le moment, au meilleur moment. Il les a créées dans le moment le plus propice. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrété de la meilleure des façons leur création. Puis il les a créés, il les a façonnés de la meilleure des façons. Et il a guidé ces choses et leur a donné les choses qui sont propres à elles et a guidé chaque créature vers ce pourquoi elles ont été créées. فالخالق هو المقدر للأشياء على مقتضى حكمته والبارئ الموجد لها بعد العدم والمصور أي المخلوقات الكائنات كيف شاء. Ainsi, Al-Khaliq, c'est celui qui donne les justes proportions aux choses conformément à sa sagesse. Al-Bari, c'est celui qui fait en sorte que cette chose existe après le néant. Et Al-Musawwir, le formateur, c'est celui qui donne à cette création la forme qu'il veut. Ainsi Allah Azza wa Jal décrète par sa sagesse, puis il crée, il fait en sorte que la chose existe après le néant, puis il la façonne et lui donne une image. فالبارئ المصور فيهما كما قال ابن القيم تفصيل لمعنى اسم الخالق. فالله عز وجل إذا أراد خلق شيء قدره بعلمه وحكمته ثم برأه أي أوجده وفق ما قدر في الصورة التي شاءها وأرادها سبحانه فانتظمت هذه الأسماء الثلاثة حسب ترتيبها في الآية على الخلق أولا وهو تقدير وجود المخلوق ثم بريه وهو إيجاده من العدم ثم جعله بالصورة التي شاءها سبحانه. Et ainsi, les noms Al-Bari ou Al-Musawwir, comme l'a dit l'imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, viennent expliquer le nom Al-Khaliq. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut créer une chose, il décrète cette chose par sa science et sa sagesse. Puis, la crée, c'est-à-dire qu'il fait en sorte qu'elle existe, conformément à l'image qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ces trois noms sont réunis dans cet ordre dans le Coran, à savoir la création awalan, al-khalq awalan, qui est le fait qu'Allah Azza wa Jal décrète l'existence d'une chose, puis sa création du néant, puis donner à cette chose la forme qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Est-ce que c'est clair? ثم قال المؤلف حفظه الله الملك المليك. Le roi, le souverain. وقد ورد اسم الملك في القرآن الكريم في خمسة مواضع. منها قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو هو الملك القدوس. وورد اسم المليك في موضع واحد في قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذان الاسمان دالان على أن الله سبحانه وتعالى ذو الملك أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. Ce nom d'Allah al-Malik a été cité à 5 reprises dans le Coran. Parmi ces versets, la parole d'Allah Azza wa Jal, selon le sens, c'est lui, Allah, celui dont rien ne mérite d'être adoré en dehors de lui, le roi, le pur. Et le nom Al-Malik a été cité dans un seul endroit du Coran, dans Surat Al-Qamar, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ. Les pieux seront dans des jardins et ruisseaux, dans les séjours de vérité auprès du souverain et de l'omnipotent, celui qui est capable de toutes choses. Et ces deux noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Malik et Al-Malik, prouvent qu'Allah Azza wa Jal a une royauté et qu'il possède l'ensemble des choses et qu'il gère l'ensemble des choses sans obstacle et sans pression. C'est-à-dire que rien ne peut faire obstacle à Allah Azza wa Jal et rien ne peut pousser Allah Azza wa Jal à faire une chose. وقد تكرر في القرآن الكريم بيان أن تفرد الله بالملك لا شريك له دليل ظاهر على وجوب إفراده وحده بالعبادة. قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. Et dans de nombreux versets du Coran, il y a la preuve et l'explication qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui est doté de la royauté et qu'il n'a pas d'associé dans cela. Cela prouve l'obligation de l'adorer seul, subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit, selon le sens, voici Allah, votre Seigneur, à lui la royauté. Nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Comment pouvez-vous vous détourner, c'est-à-dire de son adoration? وَأَنَّ عِبَادَةَ مَنْ سِوَاهُ مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا حَيَاةً وَلَا مَوْتًا وَلَا نُشُورًا أَضَلُّ الضَّلَالُ وَأَبْطَلُ الْبَاطِلُ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ آيَاتٌ عَدِيدَةٌ تقرر هذه الحقيقة وتجلي هذا الأمر كما قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ومن لا يملك في هذا الكون ولا مثقال ذرة لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة إذ العبادة حق للملك العظيم والخالق الجليل والرب المدبر لهذا الكون لا شريك له عز شأنه وعظم سلطانه وتعالى جده ولا إله غيره. Ainsi, l'adoration, adorer autre qu'Allah, adorer ce qui ne peut pour lui ni bien ni mal, ni vie ni mort ni résurrection, le fait d'adorer une chose comme celle-ci est le plus grand des égarements et le plus vrai des faux. Et ceci a été cité dans de nombreux versets qui montre cela. Comme la parole d'Allah Azza wa Jal, voici Allah, votre Seigneur, à lui la royauté. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. Et ceux que vous adorez en dehors de lui, et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. Et Allah Azza wa Jal dit également, ils ont pris des divinités en dehors de lui qui n'ont rien créé et qui ont été créées. Ces divinités qui sont adorées en dehors d'Allah, elles n'ont pas créé, bien au contraire, elles sont elles-mêmes des créatures. Et le plus souvent, façonnées et créées de la main de ceux qui les ont, de ceux qui les adorent, wal'iyadhu billah. Elle ne possède, c'est-à-dire ses divinités, elle ne possède ni la faculté de faire le mal, elle ne possède la faculté de faire ni le mal, ni le bien pour elle-même, et ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Ainsi, celui qui ne possède rien dans cet univers, celui qui ne possède même pas le point d'un atome, il est interdit de lui vouer une quelconque adoration, car l'adoration doit être vouée au roi, au souverain immense, au créateur, au seigneur, à l'administrateur de cet univers, point d'associé à lui et nulle divinité en dehors de lui. ثم قال الشيخ حفظه الله الرزاق الرازق. Puis le cheikh explique les deux noms sublimes d'Allah, الرزاق الرازق, qui signifie le grand pourvoyeur. وقد ورد اسم الله الرزاق في موضع واحد من القرآن الكريم وهو قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وورد اسم الرزاق بصيغة الجمع في مواضع منها قوله تعالى والله خير الرازقين وورد أيضا في السنة كما سيأتي ذكره في القابض الباسط. Ce nom الرزاق a été cité dans un seul endroit du Coran, qui est la parole d'Allah Azzawajal, Inna Allaha huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Allah est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Et le mot ar-Razzaq a été cité au pluriel dans de nombreux versets. Parmi ces versets, et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Comme cela a été cité dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela viendra lors de l'explication des deux noms divins et sublimes d'Allah, Al-Qabidul Basit. فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق أي المتكفل بأرزاق العباد القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. Et Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Razzaq, le grand pourvoyeur, celui qui prend en charge la pourvoyance de ses serviteurs, celui qui donne à chaque âme ce qu'elle a besoin comme force. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, « Il n'y a pas une bête sur terre sans qu'Allah ne soit son pourvoyeur. » Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens, « Que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture. C'est Allah qui les nourrit ainsi que vous. » ورزق الله لعباده نوعان. الأول رزق عام يشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر والأولين والآخرين وهو رزق الأبدان وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وعليه فليس كثرة هذا الرزق في الدنيا دليلا على كرامة العبد عند الله كما أن قلته ليس دليلا على هوانه عنده قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا أي ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق ابتلاء من الله وامتحان ليعلم الشاكر من الكافر والصابر من الجازع. Et la pourvoyance d'Allah envers ses serviteurs est de deux sortes. La première, la pourvoyance globale, générale, qui englobe le bon comme le mauvais, le croyant comme le mécréant, les premiers comme les derniers. C'est la pourvoyance des corps. Comme le dit Allah Azza wa Jal, il n'y a pas une bête sur terre sans qu'Allah ne soit son pourvoyeur. Ainsi, la grande quantité de pourvoyance dans cette vie d'ici-bas n'est pas une preuve qu'Allah, n'est pas une preuve que ce serviteur est honoré auprès d'Allah. Et de la même façon, le fait d'avoir une petite pourvoyance n'est pas une preuve de l'humiliation de ce serviteur auprès d'Allah. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Fajr, l'aube, quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais au contraire, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Mais non. C'est-à-dire que ce n'est pas toute personne dont j'ai comblé de bienfaits dans cette vie d'ici-bas, cela n'est pas une preuve qu'il est honoré chez moi. De même, tous ceux à qui j'ai restreint la pourvoyance, cela ne signifie pas qu'il est humilié auprès de moi. Mais le riche mais la richesse, la pauvreté, la largesse et l'étroitesse, ça se dit l'étroitesse. Et l'étroitesse sont des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de connaître le reconnaissant de l'ingrat et le patient de celui qui se plaint. Ainsi, une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Allah azza wa jal éprouve par le bien et par le mal. Allah éprouve par la richesse et par la pauvreté. Beaucoup pensent que ceux qui sont éprouvés sont les pauvres uniquement. Non, Allah azza wa jal a même commencé le verset de Sourate Al-Fajr. Et quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de ses bienfaits, afin de voir si il est reconnaissant ou ingrat. Et il éprouve le pauvre afin de voir s'il sera patient ou si alors il se plaindra. Donc ça c'était la première sorte de pourvoyance. La deuxième forme de pourvoyance, وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته ويتم سبحانه كرامته لهم ومنه عليهم بإدخالهم يوم القيامة جنات النعيم قال تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. Et la deuxième forme de pourvoyance est la pourvoyance restreinte, la pourvoyance spécifique, qui est la pourvoyance des cœurs et le fait de nourrir ces cœurs par la science, la foi et par la pourvoyance licite qui aide le croyant à être vertueux dans sa religion. Et ceci est spécifique aux croyants selon leur degré et conformément à la sagesse et à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal les comblera de ses bienfaits et de sa générosité en les faisant entrer le jour du jugement dans les paradis, dans le paradis. Il dit subhanahu wa ta'ala, et celui qui croit en Allah et fait des œuvres pieuses, il le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y resteront éternellement. قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. Allah lui a fait une belle rétribution. Et c'est le meilleur des rizqs qu'Allah Azza wa Jal peut t'accorder, c'est le fait de te faire entrer au paradis. Et ce rizq, cette pourvoyance, est une pourvoyance qui est exclusivement réservé aux croyants. ثم قال الشيخ حفظه الله الأحد الواحد. الأحد الواحد, l'unique. أما اسمه تبارك الأحد فقد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص وهي السورة العظيمة التي ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن لكونها أخلصت لبيان أسماء الرب الحسنى وصفاته العظيمة العليا. لنون الله الأحد الواحد, le seul, l'unique. Quant au nom d'Allah الأحد, le seul, il a été rapporté dans un seul endroit du Coran, qui est Surat Al-Ikhlas. Une immense surat. Et il a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette surat équivaut au tiers du Coran. Car elle a été exclusivement, ou elle montre exclusivement les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala les plus beaux et ses attributs les plus parfaits. وأما اسمه الواحد فقد تكرر مجيئه في مواضع عديدة من القرآن. Et quant au nom الواحد, il a été cité dans de nombreux endroits du Coran. وهما اسمان دالان على أحدية الله ووحدانيته. أي أنه سبحانه هو المتفرد بصفات المجد والجلال المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال. فهو واحد في ذاته لا شبيه له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، ولا شريك له ولا ظهير، وواحد في ألوهيته، فليس له ند في المحبة والتعظيم والذل والخضوع. Ces deux noms prouvent l'unicité d'Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à être doté des attributs de majesté, le seul à être qualifié d'immensité, d'orgueil et de beauté. C'est lui, il est unique dans son essence, rien ne lui ressemble. Il est unique dans ses attributs, rien n'est semblable à lui. Il est unique dans ses actes, il n'a point d'associé. Et il est unique dans l'adoration qui lui est vouée. Il n'a pas d'associé dans son amour, dans sa glorification, dans le fait de se soumettre et de s'humilier devant lui, subhanahu wa ta'ala. وقد كان تكرر ورود اسم الله الواحد في القرآن الكريم في مقامات متعددة في سياق تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد. Et le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Wahid, a été cité dans le Coran dans les contextes qui sont d'appuyer le tawhid et de rejeter et d'abolir le shirk. فقال سبحانه وتعالى في تقرير الوحدانية ووجوب إخلاص الدين له وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال تعالى في إبطال عقائد المشركين وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وقال تعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فالواجب على العباد توحيده عقدا وقولا وعملا بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية وأن يفردوه بأنواع العبادة وحده لا شريك له. Puis le cheikh cite les exemples de l'utilisation du nom d'Allah al-Wahid pour appuyer le tawhid et pour abolir le shirk. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens: et votre Seigneur et votre divinité est une divinité unique. Wa ilahukum ilahun wahid. Nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans l'abolissement de la croyance des polythéistes. Il dit selon le sens, et Allah a dit, ne prenez pas deux divinités. Votre divinité est seule, elle est unique. C'est moi que vous devez redouter. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, selon le sens, dans surat Yusuf, qui est le meilleur des divinités éparpillées? Allah, qui est le meilleur? Qui est le meilleur? Les divinités éparpillées ou bien Allah, le suprême, l'unique? Ainsi, il est obligatoire envers les serviteurs de mettre en pratique l'unicité d'Allah par la croyance, par les paroles et par les actes, et de reconnaître la perfection totale d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer seul et de lui vouer exclusivement et à personne d'autre l'adoration. On اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.